frontières se dessinent encore. L'héritage prend forme sous tes pas. Éphraïm reçoit sa portion, fruit de ta fidélité d'autrefois. Des vallées fertiles, des villes fortes, mais aussi des peuples encore là. Car tout héritage se reçoit d'abord, puis se conquiert pas à pas. La promesse est donnée, mais la marche continue. Tu nous donnes un héritage à bâtir, pas seulement à recevoir. Tu nous appelles à persévérer quand la promesse semble tarder à se voir. Tu nous avec notre foi et nos combats, car ce que tu promets par ta parole s'enracine aussi dans nos pas. Il ne chasse pas tous les Cananéens et la coexistence s'installe, mais tu montres par ces compromis comment la paix facile parfois fait mal. Tu ne condamnes pas d'un seul coup, mais tu laisses à l'histoire parler que les